Geoffrey Rudel. L'encan les jours sont longs que maille. L'encan les jours sont longs que maille, mais belle d'autres chance dans elle de lune. Et quand je suis parti de l'air, et même d'un amour de lune. Vaut des talents, un brun qui se glisse, si que chance ni flour d'albespis, non place plus que l'hiver gelats. Betain le Seigneur perverai, per qui veillerai l'amour de lune. Mas per un ben que menest chai, n'ai douce mals, car tam mes de lune. Ai, car me fus l'ai pellegris, si que mus fus se mus tapis, fus per si belzuels remirats. Ben paradjois quand li querai, per amour dieu l'albert de lune, et saliei plats, albergarai prepste lieis, si ben sui de lune. Adung par al parlaments fils, quand rus lundas, ertam vesis, qu'a beldits jausiras sulats. Iras et jausens men partrai, si eu jalavei l'amour de lune, mas nous aicur la veirai, car trops nostras terras lune. Assats ia pas et camis, et per aiso nun sui devis, mas tu sia, cum adieu plats. Jamais d'amour nun jausirai, si nun jau dest amour de lune, que gens sur ni meilleur non sai ves nulla part, ni press ni lugne. Tante sus press verai se fis, que lai, e lein del sarasis, fus per lieus chaitius clamats. Dieus, que fet tut can venivai e furmes est amur de lugne, mi d'un puder, que cor eu nai, que eu vedios est amur de lugne, verai amen, en tal saisis, si que la camre el jardis, mi ressembles tus temps palats. Ver dit qui m'appella lecciai ni desiru d'amour de lugne, car nuls autres joita non plai cum jausimens d'amour de lugne. Mas, so che vuel, mes aitais, que naisim fadet mus pairis, qui eu ames e nu fus amats. Mas so che vuel, mes aitais, tu sia maudis lu pairis, que m'fadet, que nous fûmes amats.